je tiens à remercier les organisatrices de la journée, Madame de Sambre, Madame Monfroy, pour cette invitation à intervenir sur une thématique sur laquelle je travaille depuis un certain temps, aux côtés d'un groupe de collègues, non seulement dans ma discipline, sciences de l'information et de la communication, au sein du laboratoire Géricault à Lille, mais aussi des chercheurs en didactique, en sociologie et en anthropologie. Voilà, j'espère qu'il n'y a pas d'écho là. Et aussi avec des collègues en Europe, nous avons établi des partenariats avec des universités en Belgique, en Italie, dans la ville de, à la ville de Naples, à Grenade, ce qui est tout à fait intéressant pour comparer un peu les recherches qui s'effectuent aujourd'hui dans le domaine de l'éducation à l'alimentation. Et en guise de préambule, je me suis permise de reproduire quelques images à gauche. C'est en fait c'est l'affiche de la journée. Je ne sais pas si vous avez remarqué qu'il y avait une affiche qui annonçait ce cycle de conférences. Et cette affiche à gauche qui montre un élève ou des élèves qui sont en activité de cuisine et qui sont surveillés par un animateur. Pour moi, quand j'ai vu cette affiche, je me suis dit ça résume bien en fait nos questionnements à deux points de vue. D'un côté, ça montre très bien que l'éducation alimentaire implique une vision très très large. On n'est pas uniquement dans des questions de santé, de nutrition, du bien manger, mais aussi l'éducation à l'alimentation, par définition, implique une approche de la gastronomie, de l'éducation au goût, de l'éducation à la consommation, les arts de faire culinaire, les questions liées au développement durable, aux cultures alimentaires dans un sens très très large. Et donc cette image là qui montre qui donne une idée de cette complexité, pose également le défi. Les défis et toute la complexité d'une éducation qui se veut holistique, systémique, large, interdisciplinaire. On peut se poser les questions, c'est une des questions que nous nous posons, c'est quelle cohérence il peut y avoir entre ces différents fils qui sont abordés parfois dans des cadres assez différents, quelles articulations est-ce qu'il peut y avoir. Et puis l'autre question que cette affiche pose, c'est très riche du point de vue sémiotique, c'est le fait qu'on voit un enfant, un élève qui est en train de faire avec les mains, littéralement les mains à la pâte, et donc c'est cette posture active qui nous questionne beaucoup, cette idée de faire, de manipuler, d'apprendre en manipulant et par le faire. Et on se pose la question, nous dans nos recherches on pose la question de la manière dont on peut articuler l'exercice de l'esprit critique sur l'alimentation, sur la santé, sur la nutrition, sur la gastronomie, comment articuler l'action et voilà l'apprentissage par le faire à l'esprit critique. Alors j'ai ajouté aussi pour commencer quelques images de ce sur quoi je travaille plus particulièrement, et c'est-à-dire l'éducation à l'alimentation qui touche aux documents, aux matériaux documentaires, aux médias. Et là, vous avez deux images prises lors de terrains de recherche récents effectués à Lille, dans des écoles à Lille, où on voit les élèves devant des fiches, des brochures, des documents, des publicités, des étiquettes, des découpages. Voilà. Et donc la question aussi qui est vraiment centrale à nos recherches, c'est en quoi est-ce que l'éducation, les savoirs sur l'alimentation sont incarnés dans différents documents, documents marchands, documents pédagogiques, documents des entreprises qui entrent à l'école et qui circulent à l'école et qui font que les enfants et les enseignants sont exposés à un ensemble de messages extrêmement variés et extrêmement diversifiés. Ça pose question, comment est-ce qu'on peut faire face à cette diversité de messages, à cette masse, à cette multiplicité de discours. qui est disponible, mais qui imprègne un petit peu la société d'aujourd'hui. Un sociologue connu dans le domaine de l'éducation à l'alimentation, la sociologie de l'alimentation, Claude Fischler, a appelé toute cette masse d'informations qui nous entoure à des messages parfois contradictoires. Il parle de cacophonie alimentaire. Je ne sais pas si c'est une expression que vous avez déjà rencontrée. Et donc c'est une de nos préoccupations, c'est la circulation des messages sur l'alimentation aujourd'hui dans la société largement, et aussi au sein de l'école, implique une hétérogénéité de niveaux, de normes, d'injonctions. On peut se poser la question de la manière dont ces différents messages sont reçus par les enseignants et puis aussi par les élèves, et quelle est la posture, quel est le positionnement de l'élève qui est ciblé par ces différents dispositifs médiatiques, pédagogiques, éducatifs, communicationnels, publicitaires. Quelle est la posture de l'élève qui est rêvée par les institutions, qui est rêvé par aussi les émetteurs de ces différents messages. Je voudrais vous parler aujourd'hui autour de deux questions centrales en lien avec ces préoccupations informationnelles et communicationnelles. Je vais vous présenter un certain nombre de nos résultats. Résultat de nos recherches actions récentes, et ça me permettra de vous donner une petite idée de la manière dont on travaille en équipe et la manière dont la recherche interdisciplinaire est menée et conduite. Donc d'un côté, je voudrais vous présenter un certain nombre de résultats d'analyse de corpus documentaires, des dispositifs documentaires, des messages, leurs caractéristiques discursives, leur nature, et puis la manière dont ils sont mobilisés dans la classe. Et en deuxième point, je vais évoquer quelques-uns de nos projets de recherche qui nous ont amenés à faire des observations ethnographiques pour voir justement ce qui se passe au sein de l'école, non seulement dans la classe mais en dehors de la classe, à la cantine, dans les couloirs de l'école. Quels sont les messages qui circulent, qui sont les acteurs qui participent à faire circuler les savoirs sur l'alimentation, parce qu'il y a non seulement les enseignants mais les parents, les familles, les chefs d'établissement, les équipes, et donc ce sont ces deux points que je vais me permettre d'aborder avec vous dans l'heure qui suit. Je me permets notamment de préciser toutefois que ces deux questions n'épuisent pas le périmètre de ce que nous faisons dans notre équipe de recherche sur l'alimentation. Certains de mes collègues s'intéressent plus particulièrement à l'alimentation en entreprise, au travail, d'autres sur la publicité alimentaire, d'autres encore sur les normes alimentaires dans des contextes autres que l'école. Mais nous nous sommes retrouvés autour de la question de l'alimentation de l'école pour approfondir justement une question qui est aujourd'hui d'une grande urgence et qui suscite beaucoup de questionnements. D'un côté, l'urgence sociétale, on le sait tous. Il y a d'autres urgences qui nous préoccupent peut-être plus maintenant, mais la question notamment de l'obésité, du surpoids, qui est exprimée en tant qu'urgence et en tant que problème sociétal au sein de différents plans d'action à l'échelle européenne. Et donc, dans ces différents plans d'urgence, ces programmes européens, l'école est désignée très explicitement comme un relais essentiel et important pour faire passer des messages nutritionnels et des messages sur les comportements à tenir. Et donc on retrouve au centre des politiques de santé publique des organisations internationales une mention du rôle de l'école et de l'importance de l'école pour faire une éducation et pour faire un travail important de de relais. Et ce qui, voilà, ce qui nous a frappé dans le début de nos recherches, c'était que, vu cette urgence, c'est un peu étonnant qu'il n'y a pas eu plus de travaux en sciences humaines et sociales. Il commence à y en avoir de plus en plus en sociologie de l'alimentation, en sciences de l'éducation, mais il n'y en a pas eu tant que ça d'enquêtes et de recherches menées pour savoir ce qui se fait à l'école, ce qui se fait, qui fait quoi, comment est-ce que l'éducation à l'alimentation est développée, et comment ça s'y intéresser. Si vous faites un tour notamment sur le site web d'EduSchool, vous voyez que commencez à avoir un recueil des actions qui rendent disponibles aux enseignants qui consultent pour avoir une idée des programmes, des différents dispositifs, mais il faut un regard analytique, je pense, et des recherches qui permettent de faire un point la manière dont les enseignants abordent cette question compliquée, et pour pouvoir ensemble développer des vigilances, reconnaître des écueils, reconnaître certains des discours qui persistent ou qui posent souci, pour partager aussi les préoccupations entre les enseignants et les chercheurs, et partager les expériences, notamment dans un contexte où les choses bougent beaucoup. Voilà. Donc le premier point que je voudrais présenter concerne les documents que nous avons analysés les supports pédagogiques. Alors un des premiers constats que nous avons fait en abordant le terrain de l'école au moment de démarrer nos recherches sur l'éducation alimentaire en 2013, les enseignants nous disaient tout le temps, très très souvent, on a du mal à choisir des supports, on a du mal à choisir des documents. Il y a beaucoup de choses en ligne, il y a beaucoup de il y a des choses sur YouTube, il y a des manuels. Et donc les enseignants nous disent très souvent que face à cette diversité, cette offre pléthorique à la fois de d'outils pédagogiques, mais aussi des outils qu'on peut retrouver plus largement dans les médias, comment faire face à cette offre pléthorique, et comment adapter, choisir, sélectionner, mettre en place une forme de veille. Et donc un de nos objectifs était d'essayer dans un premier temps de cerner cette variété, de caractériser ces différents discours, les points de vue qui sont portés par ces documents, les contradictions parfois, les discours qui sont en concurrence, les positionnements idéologiques qui sont parfois difficiles à cerner dans les documents de sensibilisation. Et de même, on peut regarder ça du point de vue des programmes et du point de vue de la nature dont l'éducation à l'alimentation est définie dans les discours, parce que là aussi, on constate toute la variété d'approches qui sont en quelque sorte en concurrence et qui se bousculent. Et on va voir cette diversité également matérialisée dans les documents que nous avons analysés. Donc on peut dire que l'éducation à l'alimentation, j'en ai fait mention déjà en désignant cette ouverture et cette multiplicité d'approches, selon cette définition de 2009, on voit pointer tout un ensemble d'approches en complémentarité ou qui sont censées être abordées ou comprises dans une vision large et compréhensive. Il est question dans cette description de 2009 des questions culturelles, de la présence de la famille, des critères liés au bien-être, à la question de la nutrition. Alors cette description de 2009 en quelques phrases est représentatif, je pense, de la polyphonie et de cette tentative de vraiment aborder l'éducation à l'alimentation à travers un ensemble d'approches en complémentarité. Alors depuis 2009, je pense que cette cette polyphonie, cette ce qu'on appelle la polyphonie, ce qu'on peut appeler aussi la cacophonie, c'est-à-dire la dissonance ou parfois les contradictions qui entrent en jeu quand on parle des traditions familiales d'alimentation par rapport à une perspective nutritionnelle qui compte sur des choix raisonnés effectués par l'individu. Les programmes plus récents sur l'éducation à l'alimentation essaient de décortiquer de façon un petit peu plus explicite ces différentes approches. Donc on va voir nommer très précisément et différencier entre elles des approches nutritionnelles, culturelles, géopolitiques, environnementales. On présente dans les textes de 2015, par exemple, tous les acteurs qui sont censés être impliqués dans l'éducation à l'alimentation ensemble pour donner une idée de l'alimentation en tant que fait social total, en tant que phénomène global, sont impliqués non seulement des acteurs, des enseignants de SVT, d'économie, de géographie, mais des langues, de PS, etc. C'est une ambition justement donc qui suggère qu'au-delà de la fragmentation, il peut y avoir de la cohérence, il peut y avoir de la mise en cohérence entre ces différentes visions, mais en réalité, certains chercheurs ont mis en avant, la réalité de la chose est beaucoup plus difficilement articulée. Hein, c'est-à-dire les différentes pistes qui sont impliquées dans l'éducation à l'alimentation, que ce soit la direction nutritionnelle, que ce soit l'éducation sensorielle, l'éducation au goût, et le lien au développement durable, à la citoyenneté. Ces différentes pistes sont difficilement compatibles et difficilement mis en cohérence dans les actions menées au sein des établissements. Donc cette fragmentation s'explique de plusieurs raisons, hein, ça on le sait, notamment à partir du collège, l'organisation disciplinaire des enseignements rend difficile les éducations, que ce soit l'éducation à la santé, l'éducation à l'alimentation ou l'éducation à la citoyenneté. Il y a dans les programmes des pistes et des recommandations, mais la mise en cohérence est quelque chose d'assez compliqué. Donc il y a peut-être une tendance parfois à juxtaposer ou d'aborder de façon assez distincte ces différentes pistes. Et donc nous, en abordant notre travail, nous avons souhaité vraiment prendre la température de l'offre médiatique et documentaire pour essayer de comprendre en quoi les enseignants devaient faire face à des dispositifs, devaient sélectionner et mobiliser des documents qui mettaient en avant parfois des savoirs scientifiques, des normes biologiques, du sens commun, voilà. Et donc avec les collègues, nous avons tenté de réfléchir à la manière dont les savoirs sont incarnés dans les documents, et nous avons fait une première sélection tout au départ de notre recherche en collaboration avec les enseignants. On leur a demandé de nous montrer ce qui était à leur disposition, ce qu'ils ont tendance à intégrer dans leurs enseignements, ce qui est rendu disponible, et donc en établissement un premier corpus assez large de documents pédagogiques, de polycopies, de manuels, de documentaires grand public, mais qui ciblent la jeunesse et qui abordent la thématique de l'alimentation. Nous avons également pris en compte des livrets qui sont développés dans le cadre des campagnes de communication autour du Programme National Nutrition Santé, PNNS, donc l'INPES, qui n'existe plus, qui est maintenant cette activité est prise en charge par Santé France, mais INPES, à l'époque du lancement du PNNS, du Programme National Nutrition Santé, a développé tout un ensemble de livrets pédagogiques mis à disposition des enseignants avec des recommandations, avec des activités. Et puis nous avons également pris en compte un autre corpus constitué de kits pédagogiques ou infos pédagogiques développés par des entreprises dans le domaine de l'agroalimentaire. Pourquoi ? Parce que justement, de plus en plus, ces entreprises deviennent des acteurs qui tentent de gagner une certaine légitimité par rapport à l'école et développent des outils pédagogiques qui sont mis à disposition des enseignants. Et ce sont parfois des outils extrêmement intéressants, très riches, qui sont mis à la disposition des enseignants et qui tentent de correspondre à leurs besoins. Voilà. Et donc, à partir de ces différentes analyses, qu'est-ce que nous avons remarqué à propos des documents? Voilà. Donc ça, c'est une image du livret pédagogique développé autour du PNNS qui met en scène les jeunes à la cantine et qui propose différentes activités. Là, vous avez un exemple d'un polycopie d'enseignants qui montre la fleur ou la marguerite des aliments pour proposer un exercice de classement des aliments. Un documentaire, un extrait de documentaire jeunesse, l'alimentation à petit pas, qui montre une scène de table, un autre documentaire jeunesse qui a été publié par Gallimard avec une approche très internationale sur la solidarité internationale autour de l'alimentation, et un des kits pédagogiques qui émane donc là pour le coup de Nestlé France, qui propose des jeux, des activités voilà, en lien avec la nutrition et l'alimentation. Et alors, qu'est-ce qu'on a trouvé? Je vais essayer de faire avancer de cette manière-là. Dans ce corpus, malgré tout très varié, il y a quelques invariants que nous avons mis en avant, que nous avons notés. Et c'est à travers tous ces textes, l'idée que l'individu doit être responsable, le jeune, l'élève, l'enfant, doit être responsable pour sa santé. Et donc, ça revient un petit peu à ce que nous avons entendu avec M. Jourdan, c'est-à-dire que la conduite individuelle, il y a l'accueil, le danger de représenter la santé et la nutrition comme le ressort des individus en isolement, en fait, de leur cadre familial, social, territorial. Donc cette idée de responsabilité individuelle a tendance à mettre en avant une image du jeune comme un acteur, voilà, un décideur, un peu isolé. Alors, on peut dire que ces messages, d'un côté, c'est un message assez positif parce qu'on donne l'impression que l'enfant va pouvoir, voilà, prendre en charge, prendre en main. Il y a un certain enthousiasme, une certaine confiance. Mais en même temps, c'est un isolement assez curieux du jeune face aux questions qui, comme on le sait, l'enfant ne décide pas tout seul ce qu'il va manger ni à la cantine ni à la maison. Les dispositions de santé dépendent justement de problèmes ou de questions voilà, biologiques, physiologiques, génétiques, mais ce qui parcourt en fait cet ensemble de documents, malgré les différences sémiotiques très visibles dans la nature dont ils sont illustrés, c'est cette idée que l'individu est le seul acteur de sa santé. Alors donc cette perspective a été critiquée et décrite, entre autres, dans les travaux suivant les travaux du philosophe Michel Foucault, qui parle de la biopolitique déléguée, c'est-à-dire l'idée que pour transmettre des règles, des conduites souhaitables, il s'agit de discipliner les individus, de déléguer justement le contrôle sur la santé et sur les choix et les normes aux individus. Voilà, donc c'est une perspective qui suggère qu'une forme de gouvernementalité, de autocontrôle, d'autocensure qui peut être mise en place par les individus. Autre caractéristique qui va de pair un peu avec ça, c'est tous les risques qui peut y avoir qui viennent de la nutrition, de l'alimentation, que ce soit des risques liés à l'intoxication, liés au danger voilà de certaines formes de d'agriculture, les problèmes de toxicité, l'engrais, les risques de l'environnement, il s'agit vraiment de risques tout à fait maîtrisables dans la mesure où on décide soi-même de manger ce qui est bien pour soi. Donc il y a une réduction de la complexité du monde et des systèmes et des comportements alimentaires qui ont tendance voilà cette réduction de la complexité a tendance à mettre sur le dos des individus voilà le choix de leur santé un peu paradoxalement comme si voilà la santé dépendait uniquement de choix. Donc les causalités sont assez peu nuancées entre les comportements alimentaires et les dangers pour la santé, hein. En même temps on se constate à travers ces documents que les plaisirs, le goût, les plaisirs sensoriels ont tendance à être soumis toujours à des conditions. Voilà, on parle aujourd'hui d'éducation au goût, mais ce qu'on constate dans ce corpus de documents, donc c'était des documents relativement récents, hein, on a regardé des documents publiés, toujours utilisés, rendus disponibles aux jeunes dans les années 90, 2000, voilà. Mais le plaisir du sens, le plaisir du goût, est toujours représenté comme quelque chose de, voilà, à mettre sur le second plan. Alors, à côté de ces invariants, on a quand même noté certaines spécificités qui sont intéressantes à mentionner dans la mesure où ça peut permettre de reconnaître que dans certaines formes médiatiques, on a tendance à véhiculer des discours qui leur sont propres. Donc, par exemple, dans les documentaires de vulgarisation, on a une certaine militantisme dans les discours, certaines politisations qui sera absent des documents pédagogiques, avec la mise en avant des controverses sur la santé, que ce soit la vache folle, que ce soit les différents moments de frayeur dans l'espace public. Les kits des entreprises, malgré tout, malgré leur tentative de, on va dire, imiter les discours pédagogiques qui font autorité, vont donner une place un petit peu plus, un tout petit peu plus présente au plaisir de la table et au sens. Donc ça, c'est un peu le résultat de nos premier analyse sur corpus. Et qui montre l'ambiguïté en fait de cette présence de l'enfant en tant que seul maître de son destin en termes de nutrition et de santé. Alors autre chose pour aller plus loin et qui nous fait rentrer dans cette question de la polyphonie, c'est qu'on, si on regarde de plus près, on voit parfois des discours contradictoires. C'est-à-dire que, pour prendre le cas de l'obésité, dans certains des documentaires, on va dire le message sera, voilà, un message de tolérance qu'il faut comprendre. C'est ce que Monsieur Jourdan a dit tout à l'heure. Voilà, il faut considérer les enfants obèses comme des individus, des êtres humains. Il y a le côté, psychologique. Et pourtant, dans certains de ces documentaires, on ne résiste pas à travers les illustrations à faire de la caricature, voilà, et donc ça crée un message un peu ambigu finalement, qui fait référence à une sorte d'arrière-fond des attitudes socioculturelles envers l'obésité. Et donc c'est quelque chose qui plane en arrière-fond. Et un autre exemple qu'on peut voir notamment dans les manuels scolaires, donc ça c'est une double page de manuel, c'est le fait que on peut noter, donc ça c'est un manuel qui est quand même un peu ancien et on voit rarement ce type de mise en 500 pages, mais ça mérite en fait parfois de jeter un coup d'œil sur les publications un peu plus anciennes pour constater leur spécificité. Donc cette double page de manuel de biologie qui date de 82 met en scène, donc fait une petite leçon d'éducation nutritionnelle, tout en mentionnant le fait que il y a le danger de l'excès en Occident par rapport aux pays du tiers-monde, par exemple, qui contredit dans les textes par des informations sur le fait que les dangers pour la santé de l'obésité dépendent beaucoup des prédispositions génétiques. On nous dit également dans les textes, on flotte en quelque sorte et de façon un peu ambiguë entre l'idée que la santé dépend des choix individuels, pardon, qu'il est important de pouvoir maîtriser ce qu'on mange. Et en même temps, on doit se plier quand même à des traditions familiales. Et donc, toujours sur cette double page, on retrouve un peu en contradiction l'idée du dogme nutritionnel qu'il faut limiter sa consommation de certains aliments, avec l'idée que tout cela dépend quand même malgré tout des contextes dans lesquels on évolue. Voilà, donc autre exemple de ce type de discours un peu contradictoire qu'on peut retrouver dans les dispositifs, dans le livret pédagogique qui date de 2005 et qui a été développé justement pour promouvoir une approche interdisciplinaire à l'alimentation permettant aux enseignants de français, des enseignants de langue, des enseignants aussi de différentes disciplines, de travailler ensemble sur un ensemble de compétences liées à l'éducation à l'alimentation. Donc on voit une certain nombre de petits récits dans ce livret, dont ici un petit récit où on voit dans un style qui fait penser un petit peu au petit Nicolas, petit récit d'enfants qui se retrouvent à la cantine, qui sont pas contents parce qu'il n'y a pas assez de frites, et donc ils vont créer une pétition et qui vont envoyer pour montrer leur dégoût face à l'absence de frites, etc. Donc l'idée de l'exercice, c'est de vraiment promouvoir l'activité langagière, une certaine citoyenneté, l'entraide. Mais finalement, si on regarde cet épisode, on peut se poser la question de la manière de mettre en scène ce qui est finalement une protestation individuelle beaucoup plus que un débat raisonné avec une qui peut aboutir à vraiment comprendre et s'ouvrir à des perspectives variées. À la fin de ce petit récit, de toute façon, la pétition va connaître un échec et va être écartée très rapidement. Les normes nutritionnelles vont être imposées très rapidement. Et donc, on peut se poser la question de la manière de mettre en scène ce type de questions en lien avec le pouvoir de l'individu et le pouvoir des individus. Autre exemple de discours un peu en contradiction se retrouve dans certains des documentaires qui sont dans une mouvance écologique environnementale qui propose des images comme celle-ci, très séduisantes, qui esthétisent la nature, qui montrent, qui mettent en scène les cultures étrangères avec des photos qui, comme celle-ci, qui visent à attendrir ou surprendre, voire choquer. En même temps, ce qu'on retrouve, c'est une certaine militantisme vis-à-vis des systèmes agroalimentaires, donc une certaine idéologie, un discours moralisateur invitant les enfants européens à s'identifier à des styles de vie différents, à rejeter le matérialisme, à rejeter le consumérisme, ce qui est difficile quand même à mettre en place. Et pour aller peut-être un petit peu plus vite sur ces documents, ce qu'on peut retenir, c'est le fait que de plus en plus, malgré les tentatives qu'on peut constater dans les manuels un petit peu plus anciens, donc je reviens avec une image de cette page de manuel de 82, malgré les difficultés, malgré l'aspect contradictoire, il a quand même l'avantage de mettre en scène différentes voix qui parlent, c'est-à-dire qu'on distingue dans ce manuel à gauche un journaliste qui parle, un nutritionniste qui prend la parole, alors qu'aujourd'hui, ce qu'on constate de plus en plus, ce que nos recherches ont permis de mettre en avant, c'est que il y a une sorte d'hiatus communicationnel où on va mettre en scène des normes sans vraiment proposer à l'élève, au lecteur, à l'enseignant, une prise sur la multiplicité de discours en jeu quand on aborde la thématique de l'alimentation. Voilà, donc je vous montre cette image du manuel de 2010. Puis on le voit aussi, cette mouvance, parce que dans l'évolution des manuels, l'évolution récente, on a tendance à mettre en avant tout ce qui est l'orientation prescriptrice de l'alimentation. Et on a regardé un certain nombre de manuels chez Belin les légendes. Alors c'est un détail qui peut paraître très très banal. Légender une illustration, c'est quand même donner une orientation au lecteur. Une même image de pyramide alimentaire qui légendait en 2006 par une façon un petit peu plus ouverte, qui suggère à l'élève, à l'enseignant, qu'il faut étudier la publicité, essayer de comprendre la publicité, essayer de comprendre les discours médiatiques. En 2009, la même image est légendée de façon beaucoup plus prescriptrice, dire voilà comment il faut manger. Voilà, donc on peut se poser la question de la manière de mettre en place une éducation aux médias, une éducation, une littératie alimentaire permettant de mieux saisir les enjeux médiatiques de l'alimentation. On a aussi fait donc une étude des manuels scolaires, donc je passe rapidement, je vous montre quelques images pour vous faire une idée de l'évolution de la manière dont les manuels de biologie abordent l'alimentation. Là, on passe des années 60 vers les années 2000, d'une image de l'abondance. En fait, les problématiques ont changé, les programmes ont changé, donc bien entendu, les préoccupations ont changé. Dans les années 60, la préoccupation, c'était que les gens mangeaient assez. Aujourd'hui, c'est restreindre plutôt, donner des billes pour éviter les problèmes d'obésité et de surpoids. Donc ce n'est pas étonnant. Mais en même temps, ce qui est intéressant, c'est de constater que de plus en plus, les savoirs scientifiques, l'aspect cognitif de l'alimentation, de la nutrition, le comment, les explications analytiques sont de plus en plus restreintes pour mettre en avant, privilégier les savoirs qui consistent à mettre en avant les actions, les comportements, les conduites à tenir. L'aliment et l'alimentation est montré beaucoup plus ce qui va devenir un nutriment au sein du corps. Donc de plus en plus, cette vision positive. Voilà, il n'y a plus d'image d'obésité dans les manuels d'aujourd'hui. Ça a changé depuis les années 2000. La responsabilisation de l'élève sujet est au centre des préoccupations dans les manuels, qui deviennent un véritable relais des politiques publiques. Voilà, donc l'époque où on pouvait parler des diversités, de la diversité culturelle des pratiques alimentaires, a cédé le pas à des leçons de conformisme nutritionnel à l'échelle globale. Donc pour les campus, je voulais évoquer rapidement, je sais que le temps passe très très vite, mais je voulais évoquer pour les pratiques pédagogiques que nous avons étudiées et ce qui se passe dans les classes, la manière dont on a pu analyser les séquences pédagogiques qui sont consacrées à la nutrition à l'école primaire, et nous avons constaté plutôt une polarisation, voire une tension entre le volet problématisation, c'est-à-dire exposer pour problématiser, pour questionner la nutrition, les questions de classement des aliments, le bien manger, et puis la tendance à l'inculcation. Et donc c'est une tension qui est très présente dans les séquences d'alimentation, et nous avons essayé d'aller au plus près des acteurs pour voir comment ça peut se dérouler en classe et comment, malgré cette tentative de mettre en avant les choix raisonnés, on aplatit parfois les discours par rapport aux normes. Donc j'ai observé, nous avons observé une séquence d'éducation à la nutrition en classe de CP, menée par une enseignante chevronnée qui a commencé sa leçon en montrant une affiche publicitaire, une affiche de sensibilisation, qui lui a été recommandée par un nutritionniste. Il se trouve que, parce que c'était pas quelque chose qui était vraiment relevé par l'enseignante, il se trouve que c'est une affiche qui a été développée par les départements d'interprofession des lobbies des produits laitiers. Et donc une spécificité dans cette affiche, c'est la place du lait qui se retrouve à côté de l'eau. Alors dans cette séquence, je reviendrai à cette question très rapidement quand je vais vous montrer un peu la réaction des élèves. L'ensemble de la séquence consistait avec les élèves, à faire une didactisation progressive de la flore alimentaire pour mettre en avant la notion de diversité alimentaire, l'importance de la diversité alimentaire. Et donc, en passant d'un document à l'autre, ce qu'on note, c'est un désir et un souhait de monter en compétences analytiques pour que les élèves puissent repérer les différentes familles d'aliments pour reconnaître l'importance de la diversité alimentaire. Mais malgré tout cela, en fait, ce qui reste dans la classe et dans la manipulation de ces documents, c'est quand même la présence des publicités d'un côté et d'un discours très présent dans la société européenne sur le type d'aliments qui sont représentatifs des familles des aliments. Et donc cet exercice sur la diversité alimentaire se passait par le biais d'un codage où les familles sont reconnues et définies, mais sont ensuite numérotées. Et donc tout l'exercice tournait autour de la numérotation codage des aliments, à tel point qu'en fait les élèves se retrouvaient face plutôt à un exercice de numérotation codage qu'une véritable réflexion sur le bien fondé et l'explication du pourquoi de ce classement et de son soubassement conceptuel. Alors au cours de cette séance, ce que nous avons mis en avant, c'est une mouvance vers l'inculcation des normes nutritionnelles. Malgré l'ouverture en début de session, il s'agissait d'un cours dialogué où les étudiants voulaient faire part de leurs expériences, et ce petit groupe d'élèves avait remarqué en fait l'ambiguïté de l'affiche qui était présentée au départ, en disant: mais madame, certains élèves ont remarqué que le lait n'avait pas sa place à côté de l'eau. Ce sont des moments d'ouverture comme ça qui présentent un levier intéressant pour questionner en fait les savoirs qui sont à partager avec les élèves. Très pressé par le temps, en fait, l'enseignant qu'on a pu observer n'a pas vraiment donné suite à cette ouverture qui nous paraissait tout à fait un point de vue intéressant. C'est-à-dire que le cours de la suite de la séquence et la suite de cette leçon était vraiment tourné vers le renforcement du codage et de l'appréhension des classes d'aliments. Alors dans un autre, alors si j'ai le temps d'évoquer ça avant de conclure, parce que je veux pas trop vous garder au-delà de l'heure, un autre aspect de notre travail consistait à recueillir des témoignages des enseignants sur leur propre pratique. Face aux changements qui sont en cours au niveau des programmes dans le domaine de l'éducation à l'alimentation, nous nous sommes posé la question de la posture des enseignants vis-à-vis de leur vis-à-vis des savoirs à transmettre, et nous nous sommes tournés vers une typologie des manières d'approprier les éducations 1, c'est-à-dire ces nouveaux dispositifs, les éducations au développement durable et l'éducation alimentaire, et nous sommes inspirés d'une typologie proposée par des chercheurs Yves Giraud et Lucie Sauvé sur la manière dont les enseignants dans leur pratique peuvent se positionner par rapport aux injonctions à proposer une éducation alimentaire, une éducation nutritionnelle. Voilà, donc ces quatre postures montrent un petit peu une différence en allant d'une posture relativement acritique, donc c'est-à-dire les enseignants qui vont adopter, qui vont mettre en œuvre, vers quelque chose qui est un petit peu plus de la résistance, voire des tentatives de contourner ces directives. Ça, ce type d'analyse, nous le trouvons assez intéressant dans un moment de recomposition des programmes dans le domaine de l'éducation nutritionnelle et éducation alimentaire, où de plus en plus on va changer de paradigme pour prendre en compte beaucoup plus des questionnements sur l'éducation, sur le développement durable, sur la question de la consommation énergétique, sur les systèmes de production et de distribution. Voilà, donc on a une ouverture là, on a un tournant depuis 2015 dans la manière d'aborder l'éducation à l'alimentation, et donc ce tournant nécessite de voilà prendre en compte la manière dont les enseignants se positionnent. Et donc nous avons fait plusieurs entretiens avec des enseignants de l'école primaire pour essayer de recueillir leur positionnement, et là sans rentrer dans le détail, nous avons effectivement constaté qu'il y a une variété de positionnements, de postures qu'on peut observer chez les enseignants vis-à-vis des injonctions, des programmes, des directives en lien avec la place de l'école dans l'éducation alimentaire. Donc des postures qui vont de la résistance, donc ça, c'est le cas d'un chef, d'un directeur d'établissement qui nous a expliqué qu'il fait le minimum dans son école parce qu'en fait c'est justement la responsabilité des familles. Voilà, donc il voyait vraiment le rôle de l'école comme quelque chose de relativement discret par rapport à ce que les familles doivent faire. D'autres enseignants nous ont expliqué qu'ils se sentaient un peu gênés par rapport à l'éducation alimentaire, d'autant plus que dans le cadre de voilà chaque slide présente un profil d'enseignant par rapport à sa posture. Donc là, on avait affaire à un enseignant de CE1 qui se sentait assez gêné par la perspective qui mettait en avant parfois la perspective d'inculcation, d'autant plus que elle avait des convictions personnelles voilà en tant que végane qui lui mettaient un petit peu en difficulté par rapport aux consignes qu'il fallait donner si on présentait la pyramide nutritionnelle aux enfants. Voilà, donc son rôle était peut-être plus d'essayer de faire germer des idées, tout en hésitant par rapport à la posture qu'elle devait faire partager avec les élèves. Voilà, donc il y a ces différents points de vue qui sont intéressants à recueillir. Je rentre pas dans le détail de chacun, mais je pense que vous aurez le PowerPoint à consulter plus tard. Mais ce qui est intéressant, c'est de montrer que il y a non seulement les programmes, il y a non seulement les ce que l'école met en place en termes de projet d'établissement, mais aussi des motivations des enseignants, des convictions des enseignants, leurs hésitations par rapport au militantisme, leur désir de participer à cette mouvance d'une éducation au choix raisonné. Mais voilà un certain nombre de freins qui sont à la fois personnels et idéologiques à faire part à s'intégrer dans des dispositifs qui permettent aux élèves ou qui visent à instaurer chez les élèves les savoirs et les savoir-faire en termes d'alimentation et de nutrition. Voilà, donc je vais passer vite à la fin de la présentation pour noter les perspectives que nous essayons de développer à travers ce type d'études, à la fois des corpus et de recueil de témoignages des enseignants, un moment de transition paradigmatique qui fait une ouverture beaucoup plus au développement durable, une question d'énergie, d'agriculture, de système système agricole, on peut se demander justement quelle est la place donnée à l'interdisciplinarité, quelles sont les difficultés à mettre en place une étude articulée entre les différentes perspectives, comment faire tenir des enseignements et des dispositifs éducatifs, comment faire tenir ensemble les contenus scientifiques et les valeurs communes des citoyennetés, de partage, comment gérer la polyphonie, les contradictions qu'on retrouve dans les discours, et comment éviter le cloisonnement entre les directives et les approches. Voilà. Aussi, une autre perspective que nous essayons de développer, c'est par rapport aux politiques publiques dans d'autres pays qui sont porteuses de leçons pour des approches analytiques en lien avec l'éducation à l'alimentation. Nous avons pu constater des approches intéressantes en Italie, en Espagne, en Belgique, permettant de constater que, d'une part, il y a un appel à des mises en place de l'interdisciplinarité. Ça, c'est un invariant aussi, mais que derrière tout cela, il faut mettre en avant, il faut tenir compte du fait qu'il y a des enjeux économiques derrière les programmes et derrière les politiques éducatives. Les acteurs économiques et industriels sont un peu en arrière-plan dans certaines des décisions prises par rapport à la mise en place, par exemple, de l'éducation au goût. Ces croisements interdisciplinaires qui sont proposés aux enseignants sont accompagnés finalement d'assez peu de directives permettant la mise en avant d'un regard critique par les enseignants. Voilà, le langage justement des programmes scolaires montre un mélange parfois un peu insolite entre les contenus physiologiques, la biologie vulgarisée, les valeurs socioculturel. Les observations de ce qui se passe ailleurs en Europe permet quand même malgré tout de comprendre qu'il y a des formes d'éducation à l'alimentation qui se mettent en place en dehors de l'école par le biais des associations des parents d'élèves par exemple qui annoncent d'autres types de réformes et d'autres types d'approches, notamment des approches par le bas. Donc il y a des collègues qui ont analysé par exemple des contenus associative en Espagne, et il y a d'autres types d'interventions sur les territoires que nous sommes intéressés à analyser au plus près pour voir comment les savoirs circulent dans des cadres qui sont complémentaires au cadre de l'école et qui sont parfois complémentaires mais en discours en concurrence de ce qui se passe à l'école. Voilà, nous continuons donc voilà, pour conclure par des prolongements de notre travaux, je voulais signaler un certain nombre d'actions qui sont en cours, qui éventuellement pourraient vous intéresser à l'avenir. Alors donc j'espère que voilà, les situations sanitaires actuelles ne va pas constituer un obstacle à la tenue de ces événements. Le 20 novembre, il y a un séminaire, une journée d'études sur la question de la vulnérabilité à l'alimentation, qui nous permet, notre groupe de recherche, à faire le point sur un certain nombre de questionnements qui traversent nos analyses, notamment la question de vulnérabilité. Les jeunes sont souvent désignés comme une catégorie sociale vulnérable, donc c'est une question qui mérite d'être approfondie aujourd'hui, notamment dans les situations que nous traversons. Voilà, ce questionnement sur la vulnérabilité qui sera abordé dès le 20 novembre. Si vous voulez plus de renseignements, n'hésitez pas à venir m'en parler. Peut nous permettre d'interroger les possibilités de développer une éducation en alimentation qui est à la fois critique et réflexive. Alors, une autre chose que nous sommes en train de faire, c'est de prolonger notre étude sur l'éducation à l'alimentation et à la nutrition au niveau du secondaire. Et donc, il y a une enquête en cours et un questionnaire qui a été lancé. Donc, si ça vous intéresse de répondre à ce questionnaire, si vous voulez plus d'informations sur ce questionnaire, ce que nous essayons de faire, c'est établir un certain aspect longitudinal dans nos interrogations sur la manière dont les jeunes s'approprient les consignes et les directives du PNNS, de l'école, des familles. Et donc, ce qu'on essaie de voir, c'est de comparer un peu sur la durée ce qui se passe dans les écoles primaires, ce qui se passe en collège et en lycée, et puis maintenant aussi ce qui se passe à l'université, parce que là, on voit à l'université la génération d'étudiants qui ont écouté pendant leurs plus jeunes années les messages du PNNS. Et donc, c'est intéressant, c'est de voir comment ces messages contribuent à, voilà, comment ils s'approprient ces messages dans leurs choix et dans les activités en tant que jeune adulte. Voilà, je vous remercie de votre écoute et j'ai peut-être pris un petit peu trop de temps, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci Madame Kovacs, oui. Vraiment c'était très intéressant et vous avez tout à fait respecté votre temps de parole. Donc pas d'inquiétude, il nous reste 15 minutes pour échanger hein, s'il y a des questions par rapport à ce sujet vraiment d'importance. Hein. On sait qu'aujourd'hui l'alimentation est au centre de la santé, hein. Il y a un lien, on connaît le lien très fort et que cette question de l'éducation à l'alimentation qui se joue très tôt hein, dans la vie hein, enfin et pour les enfants et les adolescents se pose évidemment pour nous aujourd'hui comme éducateurs. Je ne sais pas si voilà qui veut se lancer le premier ou la première pour la première question. Oui. Donc pareil, je vais garder le micro. Bonjour, merci beaucoup pour votre intervention. Alors je me présente, je suis étudiante en première année de Master PIF, École inclusive et adaptation des pratiques. Donc c'est en fait pour les enfants en situation de handicap et en parallèle je suis également AESH en compagnante pour enfants en situation de handicap et ma question en fait concerne l'éducation à l'alimentation, l'éducation à la nutrition pour les enfants en situation de handicap. Je vois, en fait, je constate, dans mon milieu professionnel que justement cette question-là est absente. Donc, sachant que les enfants en situation de handicap ont bien évidemment des besoins particuliers par rapport à l'éducation en elle-même, ils ont également, je suppose, des besoins particuliers concernant l'éducation à l'alimentation. Est-ce que vous, dans vos recherches, justement par rapport aux acteurs, aux enseignants que vous avez pu rencontrer, est-ce que vous avez rencontré des enseignants qui sont spécialisés pour les enfants en situation de handicap dans le secondaire ou en école élémentaire? Et est-ce que dans vos recherches futures, par rapport justement à la question de vulnérabilité que vous avez citée tout à l'heure, vous comptez rencontrer des personnes par rapport à voilà à ce aux enfants en situation de handicap? Oui, ça c'est une question très intéressante. J'avoue que c'est vraiment pas une piste que nous avons explorée dans d'autres projets, notamment sur une question. J'ai travaillé non pas sur l'alimentation, mais sur le développement durable, c'est autre chose. Il m'est arrivé de faire un terrain de recherche dans un collège spécialisé d'accueil d'enfants handicapés à Villeneuve-d'Ascq. Et là, j'ai remarqué forte implication de l'équipe. Dans un collège où un collège mixte, c'est-à-dire que c'était voilà qui accueillait une part de la population d'étudiants qui accueillait des élèves handicapés. Et ce que j'avais noté, c'était vraiment non seulement présence d'éducateurs spécialisés bien intégrés dans l'équipe, mais la mobilisation de l'équipe plus largement à aborder des questions d'éducation. Alors c'était pas l'éducation à l'alimentation, mais c'était l'éducation au développement durable. Et donc en fait c'était un écosystème vraiment informationnel, éducatif très particulier, très encourageant et très très riche de leçons. Je ne sais pas si si ça vous est arrivé de contacter cette école Triolo, je pense que c'est toujours en activité aujourd'hui. Mais en ordre général, dans les écoles où on a observé, il y a non seulement la prise en compte très difficile de tout ce qui est situation particulière de l'enfant, que ce soit handicapé ou quelqu'un qui souffre de certaines maladies, etc., mais la tendance, quand on aborde la nutrition, à se rabattre sur un discours vraiment universel de l'élève rationnel. Donc, c'est un accueil qui est peut-être attribué non pas à l'enseignant, ni aux proches, ni aux équipes, mais au fait que les sciences de la nutrition sont à certains égards très centrées sur ce paradigme du choix rationnel. Et donc il y a des travaux là-dessus qui montrent que le nutritionnisme, c'est-à-dire cette tendance à vraiment s'ériger en figure un peu mythique, l'individu divorcé de son contexte familial, biologique, génétique, etc. Je suis peut-être plutôt encouragée par les autres dispositifs, par les dispositifs plus larges en dehors de la nutrition sur l'alimentation, les cuisines, les sens, le sens du goût, sur l'implication, dans peut-être des types de projets permettant de connaître le terroir, le patrimoine, etc. Et là, je pense qu'il y a davantage d'ouverture, si on veut, au moins à l'heure actuelle, ça peut changer à l'avenir, à des profils individuels, à désir ou à des profils un petit peu plus individualisés. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Il y a un autre aspect que j'ai pris connaissance au niveau de l'Académie de Lille, qui sont des dispositifs d'éducation à l'alimentation qui se jouent non pas au niveau des écoles individuelles, mais au niveau des territoires. Et donc ça, ce sont des dispositifs tout à fait innovants où, plutôt que de mettre en place une cuisine dans une école ou de mettre en place une série de visites d'une ferme, etc., on essaie d'identifier plusieurs établissements scolaires sur un même territoire afin de créer une cohérence, un véritable parcours du primaire vers le lycée, d'impliquer davantage les familles. Et puis là, je pense que ce type de dispositif permettrait de prendre en compte des besoins spécifiques des familles, des enfants, du handicap, et de faire parler ou de donner une voix, donner une place aussi à des soucis, à des préoccupations qui sont plus larges. Voilà, donc c'est pas une réponse très ciblée, mais c'est quelques tendances qui peuvent diriger vers une prise en compte plus large des familles et des enfants, leurs besoins spécifiques. Moi, j'aurais une question par rapport à l'éducation au goût. Est-ce qu'il y a des expérimentations qui ont été menées ce que pourrait être une éducation au goût au niveau des écoles, plutôt qu'une éducation à l'alimentation? Parce qu'en fait, la question de l'alimentation, c'est vrai qu'on est sur le rationnel, mais passe de côté finalement, même si on sait que c'est meilleur pour la santé de manger des légumes, tout le monde préfère les frites, et y compris préfère les frites avec de la mayonnaise, parce que ça relève du goût et pas de la rationalité. Alors, comment on peut, est-ce que ça existe, des expérimentations de ce type, et quels en sont éventuellement les effets, positifs ou négatifs? Oui, c'est intéressant parce qu'en fait, dans l'école primaire, dans l'école maternelle, avec des tout petits, c'est une des premières entrées sur l'alimentation. Ça a été le cas dans les programmes, et on voit, cette tentative de toucher les jeunes par rapport au goût. Donc, ça a été très longtemps, mais en fait, une fois entré en primaire, ça prend, c'est secondarisé par rapport à l'éducation nutritionnelle, ce qui est un peu dommage. âge. Et l'histoire d'éducation au goût est tout à fait intéressante parce qu'il y avait dans les années 70, voilà, tout un ensemble de programmes, d'ambitions, d'associations qui existent toujours et qui peinent à trouver leur place. Mais il y a, je pense qu'il y a une sorte de renaissance de l'éducation au goût. Aujourd'hui, il y a des associations qui font des formations, qui forment des enseignants et qui vont dans le sens d'une voilà d'une meilleure prise en compte de cette dimension-là qui semble indispensable. On met en avant, je pense, de plus en plus, et vous le constaterez vous-même si vous faites un tour sur EduSchool, sur la rubrique éducation à l'alimentation, beaucoup d'expérimentations sur les arts culinaires qui vont également essayer de peut-être de changer un petit peu de perspective dans la manière dont on construit l'élève qui est aussi un mangeur, qui c'est quelqu'un qui voilà une vie voilà le plaisir de manger voilà. Donc je pense que ça commence à être encore plus présent de nos jours et valorisé alors que voilà jusqu'à présent, et les manuels le montrent très bien, c'était quelque chose, même le goût était raisonné, c'est l'éducation au goût, c'est-à-dire on passe du goût et du plaisir au savoir sur le goût. Donc je pense qu'il y a de plus en plus de place pour ça aujourd'hui, à l'école primaire tout au moins. Bien, mais il me reste vraiment à vous remercier, Madame Kovacs, pour vraiment l'intérêt de cette conférence, hein, des propos, des expérimentations qui ont été menées, des observations qui ont été faites dans les écoles. C'est pas rien, hein, c'est vraiment éclairant.